Sabine Huchon, le bonnet du Père Noël. Ce soir, Quentin s'endort paisiblement dans sa chambre en attendant demain matin pour découvrir les cadeaux que le Père Noël aura déposés au pied du sapin. « J'espère que j'ai été assez sage », a-t-il pensé avant de s'endormir. Maman lui a promis de le réveiller si elle voyait le Père Noël. Mais Quentin n'y croit pas trop. Le Père Noël est si pressé avec tous ses cadeaux à distribuer que maman n'aura pas le temps de venir jusqu'à la chambre. Et pourtant... Quentin, Quentin, vite, réveille-toi. Le Père Noël est là, il boit le verre de lait. Dépêchons-nous. Le petit garçon bondit de son lit et court vers le salon. Oh zut, dit-il à sa maman, presque. J'ai vu son bonnet au moment où il sortait. Mais je suis content, il a bu tout le verre de lait que nous lui avions laissé. Tu auras peut-être plus de chance l'année prochaine, lui répond maman. Mais regarde, il y a ton nom sur ce gros paquet. Cette année, Quentin n'a vu que le bonnet du Père Noël, mais celui-ci lui a déposé le superbe hélicoptère qu'il avait commandé. Sûrement que Quentin avait été bien sage.